Le paradoxe du lièvre par E. Cunicé Carnot. Cet animal est triste et la crainte le ronge. La fontaine. Le lièvre est un animal intrépide. Les jugements qu'on a portés sur son caractère et qui ont proclamé sa timidité sont l'œuvre d'imagination poétique. Jamais l'observation ne les a confirmés. La fontaine, en parlant de la crainte et de la tristesse du lièvre, répète une calomnie de Phèdre, qui la tenait d'Ésope, lequel l'avait reçue des colonies grecques d'Asie, d'où elle était venue de l'Inde. On voit que l'erreur date de loin. Les modernes l'acceptent de la plus haute antiquité comme un dogme respectable et la conservent pieusement. Ce n'est pourtant qu'une erreur. Extrêmement peu armée, car ses dents et ses griffes ne peuvent être comptées comme des moyens de défense, le lièvre attaqué par quelqu'un de ses innombrables ennemis cherche d'abord son salut dans la fuite. Voilà pourquoi l'on doute de son courage. Et comment un lièvre résisterait-il à un loup, à un homme, à un chien, à un renard, ou même à une simple belette? Tenir tête serait insensé. Toute résistance, toute lutte de front, tout retard même causerait sa perte. La fuite est donc sa seule chance de salut. N'est-il pas reconnu dans l'art militaire qu'une retraite habilement conduite est la plus difficile et la plus glorieuse des opérations et qu'il faut une intrépidité à toute épreuve pour la mener à bien? Que ferait le plus fort et le plus brave des hommes mis sans armes face à face avec un tigre? Serait-il un lâche pour chercher à s'enfuir? La disproportion est moindre pourtant entre un homme et un tigre qu'entre un lièvre et un chien, 20 fois moindre qu'entre un lièvre et une meute. La lâcheté consiste à s'enfuir tant qu'il reste dans la lutte une seule chance de salut, fût-ce au prix de la vie, ou à se retirer pour sauver une existence dont la perte aurait peut-être retardé la marche de l'ennemi. Refuser le combat quand il ne présente nulle chance de succès et que son résultat, indubitablement funeste, ne peut présenter pour personne aucune utilité, c'est du discernement, de la prudence, du coup d'œil. Il en est ainsi à plus forte raison quand on est surpris sans armes. C'est le cas du lièvre. Il est juste d'ajouter qu'il n'apporte dans l'affaire aucun amour-propre, en quoi il est plus à louer qu'à blâmer. La question ne présente pour lui que 2 solutions, la fuite ou la casserole. Pardon, devant le chasseur, il y a encore une 3e hypothèse. Le lièvre peut être manqué. J'en demeure bien volontiers d'accord. Mais, à quelque mazette qu'il ait à faire, il agit encore plus sagement en ne tentant pas l'aventure. J'ai un excellent ami qui a le coup de fusil un peu prompt. Pendant une certaine semaine d'ouverture, il a manqué 26 lièvres de suite. Pourtant, il a tué le 27e. Vous voyez bien qu'il ne faut se fier à personne. Remarquez d'ailleurs que le lièvre attaqué par l'homme, assisté de ses terribles alliés les chiens, ne se sauve jamais dans le sens humiliant du mot. Il ne fuit pas droit devant lui sans autre souci que de donner son maximum de vitesse, comme s'il avait perdu la tête. Oh que non! Dès les premiers pas, sans se laisser émouvoir, sans perdre son admirable sang-froid, il ordonne sa course et met à exécution une série de ruses, disons mieux, de combinaisons stratégiques qui le portent souvent hors de toute atteinte. Il revient en arrière, coupe sa piste et n'arrête le savant entrecroisement de sa course que quand, serré de trop près, il est obligé de filer tout droit. Alors il prend du champ, il élargit le cercle de son action, sort du bois s'il le faut, et renouvelle en pleine sa tactique savante. Il passe et repasse aux mêmes endroits, traverse des haies qui embarrassent et retardent ses adversaires, franchit les murs, trotte sur les pierrailles pour laisser moins d'odeur, puis souvent, quand il a embrouillé à son gré le dédale de ses voies, quand il croit en avoir assez fait pour déconcerter la sagacité des fortes têtes de la meute, il se dirige posément, gravement, carrément sur les chiens. Il sait qu'ils s'en vont le nez en terre, braillant comme des aveugles, et qu'ils ne le verront pas. Ce courage trouve souvent sa récompense. Par cette manœuvre pleine de sang-froid, il mêle si bien son fumet à l'odeur des chiens que ceux-ci ne parviennent que rarement à distinguer l'une de l'autre. Est-ce la conduite d'un lâche? Un jour, mes chiens promenaient depuis 1 heure un grand lièvre, qui ne voulait pas sortir du bois et qui les mettait en défaut toutes les 5 minutes. 2 ou 3 fois déjà, il était passé au tournant d'une clairière où je l'avais aperçu, mais de trop loin. Il me savait là, m'ayant fort bien vu aussi. Il y revint cependant, il sauta 25 pas de moi, s'assit et me fixa. Au mouvement que je fis pour l'ajuster, il eut un soubresaut comme d'étonnement, puis jeta un coup d'œil derrière lui. Je crus qu'il allait détaler. Mais point, il s'aplatit résolument et me regarda faire. La pauvre bête, hélas, ne sut ce qui se passa que dans l'autre monde. C'était un brave. Un soir d'été, je revenais de Sceaux par le chemin de fer. Il pouvait être 7 heures. C'était le plein jour, en juin. Je regardais par la portière du wagon quand j'aperçus à 10 mètres de la voie tout au plus 2 grands lièvres qui se battaient avec acharnement. Ils se dressaient l'un contre l'autre, jouant des dents et des griffes. Le poil volait, la poussière formait un nuage autour des combattants, et leur ardeur demeura telle que l'abominable vacarme du train qui passait pourtant si près d'eux ne leur fit pas lâcher prise. Il est certain que le motif de la rencontre devait être sérieux, et que l'amour s'apprêtait à couronner le vainqueur sur quelque gazon prochain. Mais où donc était alors la légendaire timidité? Cette grande bravoure d'une bestiole si faible et si désarmée n'a pas peu contribué à frapper l'imagination des peuples superstitieux. Presque toutes les religions ont donné au lièvre un rôle considérable dans leurs légendes. Je ne sais si les Égyptiens l'ont adoré, mais il a fait partie de leurs symboles, car on retrouve sa figure dans leurs hiéroglyphes. Certaines tribus de l'Amérique du Nord avaient le grand lièvre pour dieu suprême, et beaucoup le révèrent encore pieusement aujourd'hui. Les Chipionians croient que le grand lièvre, étant porté sur les eaux avec tous les quadrupèdes qui composaient sa cour, formait la terre d'un grain de sable tiré de l'océan, et les hommes des corps de ces mêmes animaux. Les anciens docteurs juifs, ces maîtres en superstition, comptent sur le lièvre des choses merveilleuses. Ils prétendent qu'il naît hermaphrodite, Arnabet. Evax et Aaron disent que si l'on joint les pattes d'un lièvre avec la tête d'un merle, l'homme qui les portera sera si hardi qu'il ne craindra plus la mort. Celui qui se les attachera au bras ira partout et reviendra sain et sauf. Si l'on fait manger à un chien du lièvre et un cœur de belette, il n'obéira plus à personne, quand même on le tuerait. La croyance à cette intrépidité inspirée par une amulette dont le lièvre fournit les principaux éléments semble indiquer que les Juifs avaient compris le caractère énergique de l'animal. Chez les Grecs modernes, si une caravane rencontre un lièvre, elle s'arrête, dût-elle camper là, jusqu'à ce que quelqu'un qui n'ait pas vu la bête passe par le même chemin, coupe la voie du lièvre et rompe ainsi un charme redoutable pour les premiers voyageurs. Le lièvre occupe un rang fort honorable dans les superstitions de la France, et s'il n'y est pas compté parmi les divinités, à cause de la diffusion des lumières jusque dans les campagnes les plus reculées, nos paysans le tiennent encore pour sorcier. Qu'est-ce qu'un sorcier? Dame, je ne sais pas, et peu de gens le savent, mais qui oserait nier qu'ils existent? Les sorciers commandent aux choses par une puissance de suspecte nature assurément. Ils jettent des sorts aux hommes et aux animaux, rien qu'en les regardant de travers, et d'un seul doigt levé, ils peuvent rendre votre vache stérile, votre porc ladre, votre femme infidèle, ou votre chien enragé. Ils troublent la lune et la brouillent. Ce sont eux qui poussent contre elle ces nuages affolés qu'elle tranche de son croissant comme une faucille d'or. Ils demeurent au bout des villages, à l'orée des grands bois. Ce sont de vieilles gens, à visage étrange et sinistre, souvent borgnes, qui, muets et hochant la tête, vous regardent passer. Nul ne connaît leurs parents, nul ne sait leur âge. Quand les nuits inscrites reviennent, quand la lune énorme jette à travers les halliers les fulgurances de son disque sanglant, ils partent sur un bouc, sur un chat, sur un balai, et l'on entend alors en frissonnant rouler dans les forêts leurs hurlements éperdus. C'est le temps où ils se changent en bêtes, où les loups-garous courent par les chemins. Mais la métamorphose favorite des sorciers est de se transformer en lièvre. Tout le monde le sait, folle qui en doute. Il circule sur ce point nombre d'histoires plus véritables les unes que les autres, et attestées par des témoins presque oculaires, qui prouve à n'en pas douter que sur 10 lièvres aperçus par les nuits de pleine lune, il y en a 9 au moins qui ne le sont que pour la forme. Les autres sont des sorciers qui vont au sabbat ou qui en reviennent suivant l'heure. Il faut, quand on les rencontre, ne pas les regarder. Faire semblant de ne pas les voir, se prémunir à tout risque par un bon signe de croix et surtout, si l'on tient à sa vie, ne pas tirer dessus. Les braconniers affûteurs ne s'inquiètent guère de ces dogmes. Malheureusement, ce sont des gens de faibles superstitions. Il serait bien à désirer pourtant qu'ils prissent quelque souci de ces vérités-là. Un soir, au soleil couchant, je rencontrai sur la montagne de Pouilly un vieux paysan tant soit peu braconnier, mais en règle avec la loi de 1844, ce qui me permettait de le fréquenter. Nous nous assîmes un moment sur le bord des roches qui dominent la vallée et qui ont en cet endroit une vingtaine de mètres d'élévation. Nous regardions tranquillement ce magnifique paysage de l'Auxois déroulé sous nos yeux, sans plus songer au carnage, quand un lièvre, sortant je ne sais d'où, vint trottinant s'asseoir au pied de la roche même. Il faut être poli avec les anciens, et, comme à Fontenoy, je fis signe à mon compagnon de tirer le premier. Il a juste posément et fait feu. Le lièvre ne bouge pas plus que s'il eût été en plomb. Ses longues oreilles se tiennent immobiles, aucun poil de son corps ne frissonne. « Doublez » fis-je tout bas. « Doublez donc !» Au lieu de doubler, le bonhomme me regarda. Il avait changé de figure. Sa pâleur, sa lèvre pendante, son menton tremblotant, tout en lui indiquait une violente terreur. « Je n'ose pas tirer, » dit-il. « C'est un sorcier !» J'éclatai de rire, et si bruyamment que le sorcier détala de toutes ses jambes. Le vieux l'avait manqué outrageusement, et l'animal, entendant le coup de fusil, sans savoir d'où il partait, n'avait filé qu'au moment où mon rire avait indiqué la direction de l'ennemi. Un lièvre aperçu de nuit dans un chemin par la pleine lune est une des plus terribles rencontres que l'on puisse faire. Le moins qui puisse vous arriver est de mourir dans l'année, et si vous échappez au sombre trépas, vous serez du moins à partir de ce moment funeste en butte aux plus constantes et plus inexplicables calamités. Un paysan d'Aiguilly rentrait d'un village voisin le soir de la Toussaint, soir redoutable par excellence, où dans les campagnes, le glas des morts infiltre goutte à goutte la terreur au cœur des plus braves à chaque coup de son tintement. Arrivé au pont du canal, sur lequel une lune énorme étalait les nappes de sa blanche lumière, notre homme aperçut, au milieu de la chaussée, un lièvre qui le regardait fixement. Fou de terreur, il se sauva à travers champs sans regarder derrière lui, ni devant non plus sans doute, car il tomba dans un fossé et se brisa les deux poignets. Essayez un peu de lui faire entendre que son lièvre n'était pas un sorcier. Eux, Cunissé Carnot.